Thérèse ne partit pas sans avoir jeté un malicieux coup d'œil sur Eugène. Le dîner était servi. Rastignac donna le bras à Madame de Nucingen, qui le mena dans une salle à manger délicieuse, où il retrouva le luxe de table qu'il avait admiré chez sa cousine. « Les jours d'Italien, dit-elle, vous viendrez dîner avec moi, et vous m'accompagnerez. Je m'accoutumerai à cette douce vie, si elle devait durer, mais je suis un pauvre étudiant, qui a sa fortune à faire. « Elle se fera, dit-elle en riant. Vous voyez, tout s'arrange. Je ne m'attendais pas à être si heureuse. » Il est dans la nature des femmes de prouver l'impossible par le possible et de détruire des faits par des pressentiments. Quand Madame de Nucingen et Rastignac entrèrent dans leur loge, au Bouffon, elle eut un air de contentement qui la rendait si belle que chacun se permit de ces petites calomnies contre lesquelles les femmes sont sans défense et qui font souvent croire à des désordres inventés à plaisir. Quand on connaît Paris, on ne croit rien de ce qui s'y dit, et l'on ne dit rien de ce qui s'y fait. Eugène prit la main de la baronne, et tous deux se parlèrent par des pressions plus ou moins vives, en se communiquant les sentiments que leur donnait la musique. Pour eux, cette soirée fut enivrante. Ils sortirent ensemble, et Madame de Nucingen voulut reconduire Eugène jusqu'au Pont-Neuf, en lui disputant, pendant toute la route, un des baisers qu'elle lui avait si chaleureusement prodigué au Palais-Royal. Eugène lui reprocha cette inconséquence. « Tantôt, répondit-elle, c'était de la reconnaissance pour un dévouement inespéré. Maintenant, ce serait une promesse. Et vous ne voulez m'en faire aucune, ingrate. » Il se fâcha. En faisant un de ces gestes d'impatience qui ravissent un amant, elle lui donna sa main à baiser, qu'il prit avec une mauvaise grâce dont elle fut enchantée. « À lundi, au bal, dit-elle. »